Et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz. C'est l'Asile le plus sûr, comme toutes les semaines, à partir de 21h30 et des poussières, ou à partir de son blog asile35.blogspot.fr pour tous les podcasts. Il y a à peu près 167, je pense, en ligne dorénavant, et les playlists aussi, pas mal de liens. Et puis vous pouvez poster des commentaires d'ailleurs sur ce même blog. On va démarrer avec une musicienne américaine que je ne vous propose pas très très souvent dans l'Asile le plus sûr, et c'est bien dommage. Il s'agit de Talia Zedek, guitariste chanteuse très très active dans les scènes de Boston depuis une bonne trentaine d'années, notamment au sein des formations de Free Rock Noise, Live Skull, Uzi et autres, comme, et elle a une carrière sous son nom aussi très très très très importante. Elle sort à peu près 2 à 3 disques par an, Talia Zedek, ces dernières années, notamment depuis qu'elle est signée par la marque de Chicago, Thrill Jockey, qui édite régulièrement ses frasques, notamment un projet qui était sorti à l'été dernier de son Talia Zedek Band, qu'on ne vous avait pas proposé d'ailleurs, qui s'appelle Eve, qui est peut-être un disque un tantinet, un poil trop folk rock, avec beaucoup de ballades à mon goût. Par contre, elle revient avec un combo très ramassé et très très incisif, aux côtés de Jason Stanford, qui est l'un des membres éminents du combo Neptune, et le batteur, c'est Gavin McCarthy, que je ne connaissais pas. Le projet s'appelle I, la lettre E. Un bon aperçu de ce disque de Talia Zedek, Gavin McCarthy et Jason Stanford, le projet éponyme I, avec deux morceaux à suivre, deux morceaux enchaînés pour attaquer l'émission de cette semaine. bonne rasade de free rock survitaminé dans les îles de plus sûres pour attaquer l'émission de cette semaine. Tout d'abord, le projet I avec un E en anglais, donc le projet entre Talia Zedek, Gavin McCarthy et Jason Stanford, le guitariste customisé de Neptune, qu'on avait pu voir à Rennes à plusieurs reprises et notamment la dernière fois au Café La Bascule pour un set qui était assez dantesque avec ses proto-guitares customisées. Et il y a un projet donc qui vient tout juste de voir le jour, ce fameux I, avec un disque éponyme aux éditions Street Jockey qui vient tout juste de sortir. Un disque mi-instru, mi-chanté, les trois se collent à la voix et c'est vrai que ça fait plutôt merveille la musique de ces trois loustiques, notamment pour les deux titres qu'on entendait, tout d'abord le morceau Tree Line et on a enchaîné avec Candidate pour un peu marquer les événements récents et la course au trône ou à l'échalote comme vous préférez. Et on a enchaîné avec le Scorch Trio qui continue d'ailleurs à se déchaîner derrière moi et un extrait de leur disque qui était sorti, si je ne m'abuse, en 2004 sous le titre Lugumt. Donc c'est pas du tout Lugume ou Légume mais Lugumt, le disque de ce projet, ce trio de free rock assez furieux norvégien qui était constitué et qui l'est toujours je pense d'ailleurs par l'excellent guitariste Raoul Bjørkenheim qui est l'américain de la bande comme son nom ne l'indique pas, je crois qu'il est d'origine finnoise et il est basé en Norvège de même que ses camarades de jeu, la section rythmique constituée de Ingebrigt Åkerflaten et tout d'abord Pål Nissenlove à l'époque des deux premiers albums et qui a été remplacé d'ailleurs par Frank Rosalie, ça c'est pour la partie batterie percussive de Chicago. D'ailleurs Ingebrigt Åkerflaten est lui aussi basé à Chicago, donc c'est pas du tout un projet norvégien, donc cherchez l'erreur. Voilà, en tout cas c'est sorti depuis le début des années 2000 à intervalles réguliers sur Rune Gramophone et je vous propose ça parce que le même label Rune Gramophone vient de sortir une anthologie des œuvres et des frasques de Scorch Trio, ou tout au moins de 4 LP, constitués de 4 LP qui regroupent 3 disques qui étaient déjà sortis dans le commerce, le premier éponyme, le Lugumt qu'on écoute toujours et Brolt, et c'est accompagné par un disque d'inédit sous le titre Oval, donc une musique vraiment assez réussie dans un registre un peu, on va dire post-Hendrixien pour la musique de monsieur Bjørkenheim, guitariste émérite qui sort également des disques sous son nom aux éditions Cuneiforme. Voilà, on va continuer avec un projet qui est un tantinet plus calme, celui-ci qui répond au nom de Roji avec le disque The Hundred Headed Women qui est sorti sur la subdivision du label Cleanfeed de Spuma, le label portugais, et c'est assez logique d'ailleurs puisqu'on retrouve dans ce duo deux musiciens et notamment un bassiste portugais qu'on a rencontré dans pas mal de projets, notamment Spinifex et surtout Albatre. Il fait aussi partie de Lama qui a sorti des disques sur Cleanfeed et il est aux côtés pour ce Roji de l'excellent batteur Jörg A. Schneider. Tous deux sont basés aux Pays-Bas et sont rejoints par deux musiciens pour ce disque, le saxophoniste baryton qu'on entend dans quantité de projets dans le domaine du free jazz noise rock, Colin Webster qui est donc au saxophone sur trois pièces et la trompette est tenue par Susana Santos Silva qui joue dans ce même projet Lama aux côtés du fameux Gonzalo Almeida. Alors c'est une musique plutôt sombre que celle de Roji mais assez charpentée et tout en texture. Je propose d'écouter le titre qui démarre cet extrait donc de l'album Hundred Headed Women. Le titre, donc, c'est Inner Roji et le projet, c'est Roji. Thank you. Bon, au moins ça c'est dit. Donc on a démarré avec le projet totalement instrumental Roji, excellent disque The Hundred Headed Women, publié par Spuma, donc la petite subdivision, plus exactement du label portugais Clean Feed, qui s'intéresse pas mal à la scène free rock et des exilés portugais aux Pays-Bas, et notamment ce projet qui réunit donc Gonzalo Almeida, excellent bassiste électrique et aussi joueur d'électronique au sein de Albatre, ainsi que le batteur Jörg A. Schneider, qui lui doit être allemand et qui vit aussi aux Pays-Bas, et rejoint donc par Colin Webster au saxophone et la trompettiste Susanna Santos Silva. Donc apparemment un disque qui a été plus ou moins conçu un peu comme une bande son, une sorte de bande son alternative du film Antichrist de Lars von Trier. C'est le label Clean Feed d'ailleurs qui nous raconte ça. Et on a continué avec un trio nippon pour changer, et il s'agissait d'un nouveau projet qui réunissait sur la scène de Tokyo pour un concert enregistré le 21 avril Monsieur Otomo Yoshide, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, qui est à la guitare cette fois, ainsi qu'à la batterie aux côtés de Pika, qui était aussi à la voix sur le titre qu'on entendait, voix, guitare et batterie. Donc ils alternent, Pika, batteur de Pikachu, batteuse de Pikachu, et Yuki Katsui au violon, que je ne connaissais pas du tout, et qui a une carrière déjà assez longue, notamment dans différents projets tels que Bondage Fruit, Daisa Miyaku, Black Stage, Royal Squeezit, etc., etc. Et tous les trois, donc, ils forment ce projet Sunra New, qui a sorti ce disque, sorti avant l'été sur étiquette Nippon Telegraph Records. Donc un très long live, il y a des pièces qui font une petite demi-heure et qui rassemblent donc deux lives du printemps et de l'été 2014. Donc ça vient tout juste de sortir. Et si vous vous intéressez aux scènes Noise Nippon, un concert à ne pas manquer cette semaine à Rennes avec la venue de Monsieur Cacanul. Ce sera ce mercredi 7 décembre au Terminus, rue de Riaval, derrière la gare. Donc Cacanul, Kazuyuki Kishino de son vrai nom, qui fut guitariste et chanteur du trio Zenigeva et qui a une carrière très très longue à son actif, puisqu'il officie depuis une bonne trentaine, même quasiment 35 ans dans les musiques noise au Japon, et aussi pas mal de projets qui le réunit aux côtés de quantité d'Olibrius de la noise. On l'a connu dans pas mal d'incarnations, Cacanul. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu à Rennes, donc c'est vraiment un concert à ne manquer sous aucun prétexte. Sa venue au Terminus, d'ailleurs, ce sera aussi l'occasion de saluer l'association Tendresse et Passion qui tire sa révérence avec ce concert. Voilà, donc pour un temps indéfini. On a appris ça aujourd'hui, et peut-être quand même un dernier concert ou quelques-uns l'année prochaine, mais de manière beaucoup plus sporadique. Donc tout ça le mercredi 7 décembre, Cacanul, avec un autre musicien très important des scènes noise de ces dernières années, en la personne de Balash Pandi, qui est un batteur de grindcore et aussi de jazz free de Hongrie, qui a travaillé aux côtés de pas mal de gens, notamment Zoo. C'est le nouveau batteur de Zoo. Il a aussi beaucoup bossé aux côtés de Merzbo ces dernières années, donc ça devrait faire des étincelles. La rencontre Cacanul et Balas Pandy. Et il y a aussi un autre projet d'ailleurs du grindcore de Nantes sous le nom de Tina Turner Fraser. Rien que ça, donc tout ça pour 6 euros ce mercredi 7 décembre à Rennes, au Terminus. Voilà, on va continuer avec cette fois-ci une musique un tantinet ou un poil plus électronique, quoique complètement décérébrée également. Il s'agit du grand retour de Rachad Baker, qu'on n'a pas entendu sous son nom depuis 3 ans, et la suite de ses aventures sous le titre Traditional Music of Notional Spaces, qui est une série qu'il avait initiée avec un très beau disque qu'il avait sorti aux éditions Panrec, donc il y a de ça un petit moment, et une musique enregistrée sur synthétiseur et lutherie électronique pour le moins dada au niveau des sons. Donc c'est le volume 2 qui sort ces jours-ci, donc une musique qui mélange une sorte de musique ethnique un peu cosmique sur les bords. Ça me fait pas mal penser d'ailleurs à ce que pouvait faire aussi quelqu'un comme Yanis Xenakis au sein de des musiques électroniques. On écoute le titre Dances numéro 8 par Rachad Baker. Yeah. Vous êtes toujours dans l'Asile le plus sûr sur antenne 94 MHz avec cette triplette de titres enchaînés qui nous ont conduits dans des contrées étranges aux côtés de Rachad Baker avec son fantastique, je dirais même son fantabulesque Traditional Music of Notional Spaces. Le disque entier est totalement dans ce registre, une sorte de musique sur synthétiseur ou une lutherie électronique d'une planète encore inconnue. Très très beau disque de A à Z pour se mettre la tête dans un sac ou à écouter sous la couette comme vous préférez. Donc la suite de son volume 1, et c'est vrai que je vous disais que ça faisait pas mal penser, bon, je sais pas, une sorte de musique comme pouvait les faire dans les années 60 ou même fin 50 et années 60, Yanis Xenakis au niveau des glissandi et des manières de pratiquer la musique dans une drôle d'intonation juste. On pensait beaucoup aussi au fameux daxophone de Hans Reichel, lutherie là pour le coup nettement plus physique, avec ses proto-guitares qui sonnaient de manière assez étrange comme des voix. Et donc bah, c'est un peu une sorte de combinaison de tout ça, la musique de Rachad Baker qu'on n'entend pas très très souvent dans l'exercice de pratiquer sa propre musique, lui qui est basé du côté de Berlin et qu'on entend principalement en tant que masteriseur ou mixeur de quantité de disques. C'est à peu près lui qui est sur une production derrière une production sur deux de ce qu'on vous passe dans l'Asile le plus sûr semaine après semaine, dans les masterings assez brillantissimes qu'il fait de ses pairs des musiques électroacoustiques. On a enchaîné avec le percussionniste, batteur et aussi plasticien sonore Eli Kessler, basé à New York, et un tout nouvel album qu'on vous a déjà proposé courant d'émission de la semaine dernière. Il s'intitule Last Signs of Speed, et bon, c'est une musique à peu près dans le même registre avec lequel on l'entend depuis quantité d'années, depuis une bonne dizaine, quinzaine d'années, le New-Yorkais, lui qui a sorti pas mal de disques aussi aux éditions Pan Records, le label qui produisait la musique de Rachad Baker. Donc là, un Last Sign of Speed qui sort sur MT Edition, ce micro-label. Et bah, toujours aussi bon dans les mélanges entre percussions de différents timbres et aussi l'électronique mélangée. Très très beau disque d'Eli Kessler. Et on a terminé avec un nouveau florilège de la musique de Todd Dockstader, le compositeur électroacoustique américain originaire du Minnesota qu'on a redécouvert ces dernières années, enfin plus exactement les éditions Starkland ainsi que Subrosa qui se sont fendues de quantités de disques rétrospectives, des pièces électroacoustiques historiques de ce pionnier des musiques électroniques qui a officié notamment au sein de la Columbia Princeton Electronic Music Center de Vladimir Ussachevski, et puis pas mal de ses propres studios. Il a enregistré pas mal de pièces à partir de la fin des années 50 et aussi les années 60. Il y a aussi une de ses musiques qui a servi dans la bande sonore du Satyricon de Fellini pour planter un peu le décor de la musique de Todd Dockstader, donc le label Starkland qui avait sorti notamment les compilations Quatermass et autres Apocalypse, vient de se fendre d'un nouveau florilège qui sort tout juste sous le titre From the Archives, qui est constitué un peu en des pièces de fin de vie de Monsieur Todd Stader, qui nous a quittés il y a de ça quelques années déjà. C'est pas si vieux que ça. C'était il y a un an et demi qu'il est décédé, Todd Dockstader. Et donc il avait enregistré ces dernières années différentes pièces, mais toujours dans le registre un peu collage-montage, avec un côté très très proche de la musique concrète telle qu'on a pu la pratiquer en France à partir de la fin des années 40. Assez différent de la musique électronique de ses compatriotes américains. Et donc une compilation que je vous recommande bien chaudement, From the Archives par Todd Dockstader. On va continuer avec un petit coin de lucarne et deux fenêtres ovales, le fameux projet qui réunit des improvisateurs européens de différents horizons, notamment le clarinettiste Joris Rühl, qu'on a entendu aux côtés de Michel Doneda par exemple, Eve Risser qui elle pratique le piano préparé, et Amaryllis Billet qui est au violon. Donc ils avaient sorti ensemble un premier CD qui était principalement en fait la rencontre Evrisser et Joris Rühl sur Umlaut Records. C'était il y a de ça 5 ans. Ils pratiquaient une musique plutôt contemporaine, pas vraiment improvisée, à partir de pièces composées par Karl Neijelen. Et donc ils récidivent toujours autour de ce même compositeur totalement inconnu au bataillon, et cette fois-ci donc rejoint par Amaryllis Billet au violon et un percussionniste et pas des moindres, Thomas Gouban, qui est à la lutherie sous forme de pierre et autres feuillages. Donc on écoute plusieurs pièces extraites de ce Fenêtre ovale deuxième volet, sorti là encore chez Umlaut Edition. On démarre par la piste numéro 1. Thank you. Thank you. Une musique pour favoriser le vol yogique dans l'asile le plus sûr, avec tout d'abord la rencontre entre Joris Ruhl et Eve Risser et ce projet Fenêtre Ovale qui vient de récidiver avec un tout nouvel opus dans lequel on peut retrouver ces deux musiciens aux côtés notamment de Thomas Gouban. Le disque est un deuxième volet donc qui vient tout juste de sortir aux éditions Umlaut. Quant à Thomas Gouban, il a sorti notamment un nouvel opus aux éditions PSI aux côtés de Evan Parker et un autre percussionniste dont le nom m'échappe, ce qui est fort mal. Et Thomas Gouban, on avait pu l'admirer aux côtés de Richard Antes au mois de juin de cette année à la Maison de la Grève à à Rennes. Et pourquoi je vous parle de la Maison de la Grève ? Parce que Jean-Luc Guyonnet, qu'on entendait à l'instant, va jouer dans cette même Maison de la Grève ce week-end, avec un projet qui le réunira aux côtés de David Chiesa, Lionel Marchetti et Didier Lasserre. Mais Jean-Luc Guyonnet sera au saxophone, donc un projet plutôt de jazz free, un trio contrebasse, sax, percussion, et Lionel Marchetti qu'on entendait d'ailleurs aux côtés de 60 étages pas plus tard que la semaine dernière dans l'asile, et sera au Revox. Donc ce sera ce dimanche 11 décembre à la Maison de la Grève, donc au 37 rue Le Graveran à Rennes, bon, en face du bar Le Delta, c'est plus simple pour se retrouver. Plus d'informations d'ailleurs sur le site maisondelagreve.boom.org. Et ben là on l'entendait donc juste derrière moi avec l'un de ses tout derniers opus sous le titre Plugged Inclinations ou Inclination. Voilà un disque compact qui est sorti conjointement aux éditions Bicoc Records et Circumdisc, où on retrouvait le fameux Jean-Luc Guyonnet à l'orgue Hammond, avec pas mal de boucles fermées et de registres assez noise, musique qu'il pratique assez régulièrement, lui qui a joué aussi de l'orgue d'église. Et là donc c'est un orgue très positif, ce plug de Inclinations, une longue longue pièce qui fait pas moins d'une quarantaine, non c'est même une soixantaine de minutes. Et donc Jean-Luc Guyonnet ce week-end à Rennes à la Maison de la Grève. Juste pour vous dire également que le week-end sera très animé à la Maison de la Grève, puisqu'il y aura aussi un concert de jazz free plutôt très énervé également le samedi 10, avec le projet Bateau Jean et également Tandimite, qui est un projet totalement méconnu dans lequel on retrouve Ronan Courty, le bassiste basé à Nantes, et Sylvain Darifourc, qui est un batteur relativement agile et très très énervé. Ronan Courty, lui, joue plutôt dans différents projets. On l'avait pu l'entendre notamment aux côtés de Will Guthrie pour un concert également avec les gens de la Maison de la Grève. Il joue dans quantité d'autres choses, Ronan Courty. Et donc ce projet Tandimite, qui est un nouvel opus, il y a des pièces d'ailleurs qui sont visibles sur internet, sur YouTube. Sylvain Darifourc, qu'on entend principalement ces derniers mois aux côtés de Joël Léandre, je crois qu'il y a un nouvel album qui vient tout juste de sortir d'ailleurs aux côtés de Joël Léandre. Et juste pour vous signaler également que Sylvain Darifourc a aussi sorti des choses aux éditions Bicoc. On vous avait proposé l'un de ses projets qui était vraiment très très furieux, cordes et percussions. Alors, c'était il y a de ça quelques 2-3 ans, Axel Érotique, avec le disque In Love With, dans lequel on le retrouvait aux côtés des frangins Secaldi, violoncelle et violon. Donc une musique un peu jazz free, mais par la bande, que vous pourrez entendre ce week-end donc à la Maison de la Grève, donc à Rennes. Et puis on va se quitter pour cette semaine avec un dernier titre extrait d'un nouveau disque publié aux éditions polonaises Bossian Records. Il s'agit de la rencontre entre l'ensemble Phoenix de Basel et Jérôme Nottinger. Le disque s'intitule Les Voix de l'Invisible. Il est sorti un tout petit peu avant l'été, donc c'est un double vinyle pour cet excellent projet dans lequel on retrouve l'activiste du label et distributeur Metamkin aux côtés de pas mal de musiciens suisses, notamment le regretté Alex Bluss, qui est décédé en début d'année, je crois, ou fin d'année 2015, je ne sais plus si c'est fin ou début 2016, et qui faisait partie notamment d'un projet Ultra Free qui répondait au nom de 1617, 1617 dans les années 90, et qui a continué avec beaucoup d'autres projets, pas très médiatisés, il est vrai, et au sein de cet ensemble Phoenix Basel, on le retrouvait aux côtés de Thomas Peter à l'électronique, lui officier aussi électronique et percussion, également un saxophoniste, de la flûte, de la clarinette, du synthétiseur, de la guitare, tout ça pour un enregistrement à la gare du Nord de Basel du mois de juin 2013. Et donc Jérôme Nottinger, lui, comme de juste, officier au synthétiseur analogique Revox. Voilà, juste pour vous rappeler les concerts de cette semaine à ne pas manquer, Cacanul avec Palace Andy, c'est ce mercredi 7 décembre, rue Driaval au Terminus, et donc ces deux concerts à la Maison de la Grève qui auront lieu donc ce week-end le 10 et le 11. Plus d'informations sur maisondelagreve.boom.org. On se quitte pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pourrez réécouter les podcasts et aller voir les playlists à partir du site de l'asile, asile35.blogspot.fr. On se quitte donc avec cet ensemble Phoenix Basel et Jérôme Nottinger, les voix de l'invisible. Voilà, donc je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. Thank you. Thank you.